sont suffisamment conscients pour être capables de m'écouter pendant 2 jours sans arrêt. Fait que c'est évident que si je parle pendant 2 jours sans arrêt, quelque part, après quelques minutes, je vais sortir complètement de la condition physique, puis je vais rentrer complètement dans les autres conditions. Puis 2 jours sans arrêt. Puis après 2 jours, là, quand ils m'ont écouté pendant 2 jours, ça prend pas 2 jours, mais disons une journée, là, ils me voyaient plus mal. Mais il faut être conscient. Et ce qui leur permet de plus me voir, c'est qu'il y a une dissociation complète entre leur astralité et leur mentalité. Mais s'ils disent, je ne suis pas intéressé à ça, là, il y a reconnexion entre leur mentalité et leur astralité. Là, ils me voient. S'ils dépassent ça, ils ne me voient plus. Mais ils continuent à m'entendre. Là, à ce moment-là, ils s'en vont dans les étapes. Et ensuite, j'y ramène. Alors, c'est bien, bien important de comprendre. Vous devez comprendre une chose. Tant que je vais être avec vous autres. Vous devez comprendre une chose, tant que je vais être avec vous autres, c'est que tout ce que je vous dis, c'est important. Mais moi, je suis très poli. Si vous me dites, si je vous dis quelque chose, vous dites, moi, je suis pas intéressé à ça. Je suis toujours poli. Oui. Tout le temps. Mais je vais toujours vous accrocher éventuellement. Éventuellement, vous nous accrochez. Parce que je peux pas faire autrement que ça. Parce que ça fait partie de ma vie, ça. Toujours accrocher l'inconscience humaine, toujours l'accrocher. Puis la rendre de plus en plus consciente, de plus en plus consciente, de plus en plus consciente, de plus en plus consciente. Une personne devrait être suffisamment consciente pour être capable de m'entendre sans m'écouter. Rien que m'entendre. Sans m'écouter. Sans avoir besoin de m'écouter. Aussitôt que vous m'écoutez, vous pouvez perdre conscience de m'entendre. Parce que là, vous allez faire la connexion entre le mental et l'émotionnel. Fait qu'éventuellement, ce qui se fait, c'est qu'il se fait une connexion entre vous autres et moi, comme moi, je vis ma connexion avec eux autres, en haut. C'est la même connexion, c'est la même vibration. Moi, ils me parlent en haut, des fois, ils me parlent, ils me parlent. La moindre petite chose qu'ils me disent, la moindre, j'écoute. La moindre. Même si zing, comment ça va? Ça va bien. La moindre. Il n'y a pas d'inconscience, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de connexion entre le mental et l'astral qui me fait perdre de la conversation entre moi et les autres. De sorte que la connexion entre les plans, entre le plan physique et les autres plans est toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça la conscience. Alors cette conscience parfaite-là se communique dans le monde. Mais il faut que les hommes puissent aussi écouter. Sans qu'il n'y ait rien, rien, rien qui bloque ça. Si vous m'écoutez, moi je continue à parler. Moi, ça fonctionne par gradation, cette affaire-là. Je peux commencer à 7h, mais à 8h, je parlerai plus dans la même vibration, puis à 9h, dans la même vibration, puis à 10h, dans la même vibration, puis à 11h, dans la même vibration. La vibration, elle change, puis elle change, puis elle change. Mais il faut qu'il y ait déchirement dans votre intelligence. Tant qu'il n'y a pas de déchirement dans votre intelligence, à ce moment-là, vous allez rapporter ce que je dis à un niveau psychologique. Quand il y a déchirement dans votre intelligence, vous ne pouvez plus rapporter ce que je dis à un niveau psychologique. Vous ne le vivez que vibratoirement. À ce moment-là, il se fait une connexion entre votre écran mental et ce que je dis. De sorte que ça vous amène éventuellement à voir ce que je dis. Et quand vous êtes capable de voir ce que je dis avec grande facilité, vous êtes capable à ce moment-là de commencer à comprendre ce que je dis. Il faut que vous puissiez voir ce que je dis pour le comprendre. C'est jamais par le mental que vous pouvez comprendre ce que je dis. C'est en le voyant. Et au fur et à mesure que vous pouvez voir ce que je dis, au fur et à mesure, vous êtes capable d'entrer dans les terres de ce que je dis. Comme ça. Comprenez-vous ça, vous, Mme Robida? Ça se tient, ça? Nos sens sont extrêmement puissants. Très puissants. Très puissant. Nos sens ont un pouvoir sur notre conscience énorme. Nos sens nous permettent de demeurer à l'intérieur de l'espace matériel. Nos sens sont connectés à notre cerveau connecté avec à notre intelligence et notre intelligence à nos émotions. Et c'est un cercle, de sorte qu'on ne peut jamais sortir de nos sens. Il faut qu'un jour, on puisse sortir de nos sens. Il faut que nos sens, un jour, n'aient plus de pouvoir sur notre intelligence. C'est ça le déchirement de l'intelligence de l'homme. Alors, la femme a tout à apprendre Et l'homme a tout à apprendre du phénomène humain. Mais pour que la femme bénéficie de ce qu'elle apprend du phénomène humain et que l'homme bénéficie de ce qu'il apprend du phénomène humain, il faut que les deux êtres soient sur une longueur d'onde qui transcende l'intelligence, qui transcende les sentiments, qui transcende l'approportionnement de l'énergie entre le mental et l'émotionnel, pour qu'éventuellement les hommes et les femmes puissent contribuer dans une conversation qui émane de ma personne, une énergie qui leur permet à eux de rentrer dans leur personne. Ça se comprend-tu, là? Parce que moi, je vous demande souvent, je vous parle, je vous dis, ça se comprend-tu, ça? Parce que je ne comprends pas ce que je vous dis. Parce que je n'ai pas de système de réflexion. Je vous parle. Alors, je ne comprends pas ce que je vous dis. Je sais ce que je vous dis. Parce que je peux le parler. Fait que je le sais si je peux le parler. Mais je ne le comprends pas parce que je n'ai pas de système de réflexion. Quand je vous demande, ça se comprend-tu, ça, c'est pouvoir, si ça se comprend. Si ça se comprend, mais à ce moment-là, ça me permet, moi, de continuer, continuer. Moi, je peux parler n'importe quoi. Vous autres, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce que c'est parler n'importe quoi parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est l'état d'esprit qui est fusionné à l'ego. Mais moi, parler n'importe quoi, c'est normal. C'est aussi normal pour moi de parler n'importe quoi que vous autres pas être capable de parler n'importe quoi. Fait qu'il y a un fossé entre moi et vous autres. Alors moi, ma job, c'est de diminuer ce fossé-là. En vous parlant de n'importe quoi. Mais en vous parlant d'une façon tellement précise que petit à petit, il se crée un déchirement dans votre intelligence pour que vous en arriviez éventuellement à pouvoir vous intéresser à ce que je dis sans être intéressé à ce que je dis. Et il est là le secret du pouvoir de la parole. Il est là le secret du pouvoir de la parole. C'est pas une technique, c'est un pouvoir. Et le secret du pouvoir, il est contenu dans la vibration des mots. Et la vibration des mots est sous le contrôle de l'esprit. Et l'esprit dirige l'évolution de l'âme. C'est pour ça que l'instruction qui est donnée à l'homme aujourd'hui sur la Terre est une instruction qui ne peut pas être écartée de la conscience humaine, même si les hommes se ferment les oreilles. L'instruction, il faut qu'elle passe pareil. Si elle passe pas sur le plan physique, il va falloir qu'elle passe dans les rêves. Si elle passe pas dans les rêves, elle va passer dans les têtes. Il faut qu'elle parle. L'esprit descend. L'esprit ne peut pas être empêché de descendre sur la Terre. C'est son cycle. C'est lui qui commence à runner le show, en contradistinction avec l'astral. Mais on a tendance à mesurer la valeur des paroles, on a tendance à mesurer le contenu du langage, on a tendance à s'approprier de cette partie-là, puis de pas s'occuper de cette partie-là, c'est une erreur de l'esprit de l'homme. C'est parce que l'esprit de l'homme n'est pas suffisamment pur, c'est parce qu'il y a de l'intelligence subjective dans l'esprit de l'homme qu'on a tendance à prendre ça parce que ça nous intéresse, puis à mettre ça de côté parce que ça ne nous intéresse pas. Tout est réel de ce qui est dit de l'esprit. Et plus on a de facilité d'absorber tout ce qui vient de l'esprit, plus on a la capacité d'enregistrer la vibration de l'énergie de l'esprit, de sorte que notre propre esprit entre en résonance avec cet esprit-là, et ainsi de suite. C'est comme ça que le travail se fait. C'est aussi simple que ça. Je pourrais prendre une allumette pour vous parler d'une allumette, pour vous parler d'une allumette à un point tel, que il y a la plus grande substance dans ce que je dirais. Et si l'homme est incapable de suivre tout le processus jusqu'au point où il n'y aurait plus de substance, il se ferait un très grand travail dans le déchirement de l'intelligence. Voilà. Autrement, l'homme tombe sous les lois astrales, l'homme tombe sous les lois de la valeur du mot, l'homme tombe sous les lois de l'intérêt de la personnalité vis-à-vis des mots parlés, l'homme tombe sous les lois astrales. L'homme se coupe de son énergie. Et l'homme ne peut pas subir le déchirement de l'intelligence. Ils disent, prenez un exemple pour comprendre ça, plus objectivement. Imaginez-vous, là, si À côté de moi, il y avait une matérialisation tout d'un coup. Souvent, il n'y avait rien qu'une matérialisation. Qui parle de rapport. Elle parle de rapport. Elle ne vous dira rien. Elle ne vous donnera pas de connaissances. Rien, rien, rien. Ça sera rien qu'une matérialisation. Le fait que ça sera une matérialisation qui tombera pas sous les lois des sens, qui sera en dehors des lois des sens, seulement ça, ça vous fixera pour toujours dans votre expérience de conscientisation. Mais ils veulent pas le faire la même. Ils veulent passer par un chemin plus pénible, plus difficile, qui fatigue l'esprit, qui fatigue l'intellect, qui crée le déchirement. C'est la parole. Sans ça, il n'y aura pas de travail. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui se matérialise. Tu vois, c'est final, il n'y a plus de travail. C'est fixé, final. Bernard a raison, c'est le même, c'est le même. Il n'y a plus de travail. C'est toi qui ne le vends pas. Le temps où l'homme vivra contact avec l'éther, contact quelconque, avec une dimension quelconque des forces, l'homme sera déjà conscientisé. Rien ne sera donné à l'homme sans qu'il vive le déchirement de son intelligence. Sans ça, il n'y aura pas de déchirement d'intelligence. Il y en a parmi vous autres qui partiront en balloune. Il y en a qui prendront ça un petit peu plus calme. Joseph Smith, en 1823, quand il est rentré en contact avec une entité qui s'appelait l'archange Moroni, il a formé une religion. Après, les Mormons. Pourquoi? C'est évident, chose. Tu rencontres une affaire de même d'un champ qui te dit, va-t'en en terre là-bas, il y a des tablettes écrites. Qu'est-ce que tu veux? Le gars, il forme une religion. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de matérialisation? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contact matériel? Pourquoi est-ce que nous autres, les initiés, on est obligés de descendre dans la matière pour l'instruction, au lieu de passer par d'autres voies? C'est pour que l'homme, lui, en arrive à un déchirement de son intelligence, pour qu'il en arrive à une destruction de ses sentiments, pour qu'il en arrive demain à être capable de vivre en contact avec des entités qui ont le pouvoir de se matérialiser, de se dématérialiser, sans que l'homme, lui, soit affecté par le phénomène au niveau de ses sens. Pour que l'homme puisse fonctionner au niveau de son intelligence télépathique, pour que l'homme puisse sortir de son corps, pour que l'homme puisse travailler avec ses intelligences sur leur plan, au lieu d'être esclave et devenir un fanatique et créer une religion sur la terre. C'est pour ça. Il faut être fusionné pour les voir eux autres sans changer de vibration. Quand t'es fusionné puis t'es voué, t'es fusionné. Fait que tu peux pas partir en ballon, t'es fusionné. Il t'empêche de partir en ballon. Mais quand t'es pas fusionné puis t'es voué, là tu pars en ballon. Veux, veux pas, tu pars en ballon. Quand tu vois quelqu'un arriver sur un rayon de lumière, tu vas aller puis se matérialiser au bout du rayon de lumière dans ta pièce. Ça change tes vibrations en enfant chien. T'as bien beau être bien cool, puis bien calme, puis boire ta tasse de café, t'abaves ta tasse de café. Parce qu'on a des sentiments. Et l'homme de la sixième race, l'homme de l'évolution, l'homme qui vient ne doit pas avoir de sentiments. Vis-à-vis rien qui soit au-delà de son expérience sensorielle. C'est pour ça que les pouvoirs ne seront pas manifestés à l'homme tant qu'il ne sera pas dans sa conscience pleine. Pour que l'homme et la femme deviennent des êtres dont la conscience supérieure pourra intégrer parfaitement les lois de l'esprit. Pour que l'homme ne se sente plus obligé à vivre sa condition d'homme selon ses sens, selon ses sentiments, et que la femme ne soit plus obligée de vivre sa condition de femme selon ses sens et ses sentiments. Et comme tout progresse vers une infinité de conscience, au fur et à mesure que ce travail-là se fait, un autre état vient après. Mais il faut que le travail se fasse pour que l'état vienne. Moi, je vous dis aujourd'hui, il faut que tu en arrives un jour à comprendre l'importance de ne plus avoir de sentiments. Mais ça, c'est des mots que je vous lance. C'est dans l'expérience, au cours des années, que vous en arriverez à plus avoir des sentiments. Puis même si vous pensez que vous n'avez plus de sentiments, vous n'avez encore. Même si vous pensez que vous n'avez plus d'émotions, vous n'avez encore. Je vous garantis que vous n'avez encore. Moi, en 1977, quand j'étais à Saint-Sauveur, quand est-ce que j'étais à Saint-Sauveur? 76. J'ai eu l'expérience en 76. Putain, je suis fusionné. J'ai eu une expérience en 76, puis je leur ai demandé d'attendre. J'ai dit, je suis pas prêt encore. Parler de la crainte. Il y a la crainte humaine, puis une autre crainte après. Je l'ai connue, cette crainte-là. J'ai levé comme ça dans mon lit. Le choc de la crainte m'a fait lever dans mon lit, comme ça. Puis j'ai resté là 5 minutes dans mon lit, dans les airs de même. Puis ensuite, je suis redescendu. Ça, c'est le choc de la crainte. Je suis pas monté de même parce que moi, je voulais. Je suis monté ici parce que j'ai été propulsé ici par la crainte terrible de voir quelque chose qui ne fait pas partie de l'expérience humaine ancienne. Fait qu'on n'est pas, quand je dis l'évolution, la transmutation de l'humanité, vous autres, vous la voyez en termes de vous autres seuls. C'est vrai, c'est individuel cette affaire-là. Mais c'est pas individuel, c'est planétaire. C'est toute la planète Terre qui est en jeu, pas un certain nombre d'individus. Ça implique toute la transformation d'une planète, ça. On a une vue très, très limitée, nous autres, de demain. Très limitée. Et cette vue est limitée, pourquoi? Parce que on a, même si on a une certaine conscience, on est toujours victime d'un certain sentiment. On est toujours victime d'un certain égocentrisme. On est toujours victime d'une certaine vision des choses en fonction d'un moi quelconque, d'un nous autres quelconque. Moi, je vous avertis et je vous avertis que demain, il n'y en a plus de moi quelconque. Il n'y a rien, rien. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te vois plus. Tes sens ne te permettent plus de te voir quand tu te regardes dans le miroir. Il n'y en a plus de réflexion. Même pas dans la matière. L'initiation de l'humanité, la transmutation de l'humanité, l'évolution, c'est pas un phénomène humain. Et les lois de cette évolution-là ne sont pas dans les mains de l'homme, et l'homme les reconnaîtra et les réalisera au fur et à mesure que se raffinera le comportement de son mental vis-à-vis son émotionnel. Et le raffinement du mental vis-à-vis de l'émotionnel, il est proportionnel à la fusion. C'est selon votre état de fusion, selon votre plafond, que vous comprendrez les limites de votre intelligence et de votre émotionnel. Et c'est seulement dans la fusion que vous aurez plus de limites. C'est seulement dans la fusion que vous saurez que vous n'avez plus de plafond. Parce que dans la fusion, tu n'en as plus de plafond. On n'est pas capable, nous autres, les hommes, de comprendre le fait de l'énergisation de nos corps par l'esprit quand on est dans la matière puis qu'on souffre. On n'est pas capable. Ça se comprend, parce qu'on souffre trop. Moi, je me rappelle quand j'étais là, avait des chocs. Qu'elle souffrait. Elle souffrait à vouloir en mourir. Puis je disais, c'est bien important, ça. Puis elle disait, je m'en crisse, comment c'est important. Je veux pas être une sainte, moi. Je disais, c'est important d'arrêter. Aujourd'hui, elle comprend. On ne peut pas rationaliser la descente de l'énergie dans nos corps et rationaliser la souffrance de cette... On n'a qu'une job à faire, nous autres. C'est d'être suffisamment conscient, suffisamment averti, suffisamment instruit pour supporter cette descente-là. C'est ça que je fais avec vous autres, maintenant. Je vous donne suffisamment d'informations. Parce que l'information que je vous donne, elle sert. Même si elle ne sert pas de ça, elle va servir de même. Ben, elle sert. Je ne parle jamais pour rien. Elle sert. C'est ça notre job, nous autres. Jusqu'à temps qu'on puisse bénéficier de cette fusion-là. C'est pour ça que les sentiments qu'on a, comme j'explique à soir, les sentiments qu'on a dans notre vie, qui sont bons, qui font partie de notre vie naturelle, au fur et à mesure qu'on avance, se transmettent. Et éventuellement, on n'a plus. Puis pourquoi j'ai choisi de vous parler des sentiments? Parce que je sais que les sentiments sont le ciment des sens. C'est par les sentiments que les sens ont le pouvoir sur l'intelligence. Contre l'intelligence, c'est là. Contre l'esprit de là. C'est pour ça que je vous dis souvent, ce qui est dur dans mon travail, c'est de ne pas vous parler. C'est de savoir que c'est demain que vous allez comprendre. Fait qu'il y a un laps de temps, là. C'est que le fait que vous me connaissez un petit peu plus, que ça rend mon travail plus facile. Il y a du monde parmi vous autres avec qui je ne paie pas d'énergie quand je parle. Je peux tout vous les nommer. Il y en a que je ne paie pas d'énergie. Il y en a que je paie d'énergie. Pourtant, tous les gens ont de la bonne volonté. Il y en a que je paie plus d'énergie. Donc, pourquoi? Parce que le déchirement de l'intelligence n'est pas aussi grand que chez d'autres. Mais ceux avec qui je ne paie pas d'énergie peuvent aller très vite dans la compréhension des mystères du phénomène humain. Un jour, vous réaliserez, comme elle, l'Ibsen, elle réalise bien gros, elle. Un jour, vous réaliserez que tout ce que je vous dis, c'est important. Tout! Tout! Ce que je vous dis, c'est important. Puis, je suis un enfant de chaîne quand je vais vous accrocher. Quand je vais vous faire passer un message, là, je vous le fais passer un message. Prenez-les! Je ne peux pas vous voir et dire, ben, je te fais passer un message, Jean-Paul. Je suis poli. Mais quand je vous fais passer un message, prenez-les. Puis laissez-moi vous dire que j'ai toujours raison. Même 5 minutes avant, vous pensiez opposé. Je suis wise en enfant tienne. Prenez les messages. Fait que tant que je suis parmi vous autres, je peux vous en faire passer les messages. Pour vous faire comprendre plus vite, pour vous faire avancer plus vite, pour que vous en arriviez plus vite à être bien. Quand vous allez être bien, je vais crisser mon camp. Mais prenez les messages. Rationalisez-les pas. Je suis bien wise, moi. La femme, c'est un être qui doit résoudre éventuellement son problème humain. Et le problème humain de la femme, c'est de ne pas comprendre les lois de l'esprit qui dirige sur le plan matériel. Son phénomène de femme. Et l'homme, c'est un être qui doit aussi remplacer dans sa vie matérielle l'idée qu'il a d'être un homme vis-à-vis la femme. Dans la tradition expérimentale de l'humanité. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est ceci. Mais c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai pas d'autre façon de le dire. Mais je peux pas le dire. Parce que vous allez mal interpréter ce que je veux dire. Mais je sais ce que je veux dire. Quand la femme sera capable d'être libre en tant qu'intelligent. Pas en tant que femme. En tant qu'intelligent. Se servant d'un corps de femme. Et que l'homme sera intelligent dans son utilisation d'un corps d'homme. Le couple, tel que nous le connaissons aujourd'hui sur la Terre, n'existera plus. Il existera dans sa forme extérieure. Il existera dans les conventions extérieures, jusqu'à temps que la société soit très transformée. Mais dans l'intelligence du couple, il n'existera plus. Il se produira deux choses à ce moment-là. L'homme et la femme vivront une dimensionnalité d'expérience qui n'est pas permis à l'homme de la Terre aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a bien des choses que je ne peux pas vous dire parce qu'il y a du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour que certaines choses soient réalisées, comprises, vécues, ainsi de suite. Ça prend du temps. Aime du temps. Tout est en fonction de temps dans l'évolution. Le temps. Le temps. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un être humain qui sait vivre avec le temps. Un homme qui connaît le temps, qui sait vivre avec le temps, a tout à sa portée dans la vie. Tout. Tout. L'esprit ne peut pas refuser à l'homme si l'homme est dans le temps, connaît le temps de l'esprit. L'esprit ne peut pas refuser. Parce que c'est l'esprit qui crée le temps. Mais c'est l'homme qui en est prisonnier à cause de ses sentiments. L'esprit crée le temps, mais l'homme est prisonnier du temps à cause de ses sentiments. L'esprit ne crée pas la prison. L'esprit crée le temps, mais l'homme est prisonnier. Et savez-vous qu'est-ce que c'est le temps? C'est le mouvement de l'énergie de l'esprit dans la matière. C'est ça le temps. Mais à cause des sentiments, à cause de la relation entre le mental et les motifs de l'homme, le temps prend une autre valeur, qui est la valeur psychologique. L'homme en souffre. Savez-vous ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Dans le monde aujourd'hui, il y a des maîtres qui enseignent à l'homme toutes sortes de choses. Mais il y a un problème avec les maîtres sur la terre. C'est que les maîtres sur la terre n'ont pas la parole juste. Ils ont la parole spirituelle, mais ils n'ont pas la parole juste. Et parce qu'ils n'ont pas la parole juste, ils ne sont jamais parfaitement compris. Et comme ils sont jamais parfaitement compris, c'est impossible aux hommes qui les suivent de parfaitement évoluer. C'est-à-dire que c'est impossible aux hommes qui les suivent d'en arriver à la mutation. Parce que pour muter, pour transmuter, il faut que l'homme suive parfaitement l'énergie de l'intelligence. Alors, il faut que cette énergie-là soit parfaitement manifestée. Ça veut dire qu'il faut que le mot soit parfaitement juste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, dans tous les pays du monde, il y a énormément d'activités ésotériques. À tous les niveaux. Tous les niveaux. C'est une activité qui est préparatoire, qui est spiritualisante pour l'homme, qui est bonne. Mais c'est une activité, un jour, qui doit complètement cesser. Complètement cesser. Parce que les hommes ne pourront jamais rentrer dans leur intelligence à travers des paroles qui ne viennent pas de l'esprit, mais qui proviennent de la sagesse spirituelle de l'humanité. Il faut que les formes soient détruites. Et les maîtres ne les détruisent pas, les formes, ils les créent. Des belles formes. Mais un jour, il faut qu'elles soient détruites, ces formes-là. À ce moment-là, le rôle de l'homme et le rôle de la femme sera resitué. Mais en fonction de leur propre intelligence, de leur propre manœuvre sur le plan matériel. Et non en fonction de certains préceptes ou de certaines théories ou de certains dogmatismes qui peuvent facilement être mal interprétés et créer une sorte de décadence morale sur le plan matériel. Comme on retrouve aujourd'hui beaucoup aux Indes. Ou de la part d'Hindous qui viennent dans les pays occidentaux pour enseigner à l'homme des méthodes qui ne conviennent pas à l'intelligence, mais qui conviennent à une sorte de spiritualité ou un certain renouveau psycho-spirituel. Le rôle de l'homme et de la femme, c'est un rôle extrêmement occulte dans les années qui viennent. Extrêmement occulte, extrêmement caché. Il est totalement caché à l'intelligence de l'homme. Il faut qu'il y ait déchirement dans son intelligence pour que l'homme puisse le comprendre, ce rôle-là. Et le comprendre par lui-même, et non le comprendre par un autre, par l'extérieur. Il faut que l'homme le comprenne par lui-même. Quand je dis le comprendre, je dis le comprendre. Ça veut dire en subir et en supporter toutes les conséquences possibles et imaginables. Une fois qu'on rentre dans la conscience, qu'on rentre dans l'intelligence, qu'on rentre dans l'énergie, on n'est pas aussi libre qu'on pense. On le devient. Fait que ceux qui pensent qu'ils sont libres, faites attention, vous n'êtes pas aussi libre que vous pensez. Vous le devenez libre, vous le deviendrez libre. Mais devenir libre, ça veut dire éventuellement être capable de contrôler toutes les occasions et toutes les situations de la vie humaine en fonction de l'intelligence et non en fonction de notre ego, de notre personnalité. Ça fait partie du pouvoir de l'homme. Ça fait partie de l'accession à l'homme à une dimension d'expérience que lui seul peut créer, mais qui ne peut pas être sanctionné par un corps social. L'homme de demain sera obligé de prendre des responsabilités de vie en fonction de son intelligence, des responsabilités de vie que seul lui connaîtra, que la société au large ne connaîtra jamais. L'homme de demain, c'est un homme occulte. Il est supramental, il est supraplanétaire, il n'est pas disposé, prédisposé à aucune loi humaine. Il est la loi. C'est ce qu'on appelle les faits de lumière. Elle garde bien ça, les sentiments. Ils disent que dans la poitrine d'un homme ou dans la poitrine d'une femme, il ne devrait jamais y avoir de réflexion personnelle. Ça veut dire que ça faut qu'il y ait été élevé. Et un homme dans lequel il n'y a pas de réflexion personnelle ou de la femme dans laquelle il n'y a pas de réflexion personnelle devient un couple cosmique. Et un couple cosmique, c'est un couple qui a éventuellement tous les droits sur tous les plans. Et avoir tous les droits sur tous les plans, ça veut dire avoir tous les droits sur tous les plans. Mais pour que l'homme en arrive à ça, il faut plus qu'il y ait de sentiments. Sans ça, les droits des plans deviennent les conventions de son esprit. Le plan devient la convention de son esprit. Il n'y a aucune liberté. Il subit une convention quelconque. Et la convention qu'il subit limite son action créative. Limite son action créative. En tout cas, il y a bien des choses là-dedans qui sont très nuancées. C'est le temps qui vous amènera à comprendre les nuances de ce que je vous dis. En attendant, vous pouvez faire des excès. C'est normal. Mais les excès font partie de votre expérience et les excès vous permettront de vivre éventuellement le déchirement de votre intelligence à cause des chocs en retour que vous connaîtrez. N'est pas libre celui qui se pense libre. N'est pas libre celui qui se pense libre. Et libre celui qui se sait libre. Quand tu te sais libre, tu te sais libre. Tu te penses pas libre. Tu peux pas te penser libre. Tu peux te savoir libre, mais tu peux pas te sentir penser libre. Se penser libre, c'est pas être libre. C'est avoir l'impression d'être libre. Là, tu peux te faire jouer des vilains tours. C'est pour ça que nous autres, sur la Terre aujourd'hui, on a seulement une porte de sortie. Engen. On n'a pas deux. Engen. Sa parole. La parole. C'est la seule porte de sortie qu'on a. La parole. Plus on comprend ce qui se passe, plus on comprend ce qui se passe. Je le dis dans deux temps, ça. Plus on comprend ce qui se passe, plus on comprend ce qui se passe. Mais il faut qu'on parle en maudit pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est en parlant de la sixième race qu'elle découvre ce qu'elle sait. C'est pas en restant dans le vide. Moi, quand je suis dans le vide, je sais rien. Je suis un beau niaiseux. C'est quand je parle que je sais quelque chose. C'est quand je parle que vous savez quelque chose. C'est quand je parle qu'on apprend, vous et moi, quelque chose. L'esprit est présent tant que l'homme est là pour le recevoir. L'esprit est présent et manifeste tant que l'homme est là pour communiquer. Parce que c'est pas quand tu es tout seul avec ton esprit que tu apprends quelque chose. Moi, j'apprends rien avec l'autre. Quand je suis seul, je me demande. Mais quand je vous parle ou quand je parle à quelqu'un, là, j'apprends quelque chose. On apprend tous les deux quelque chose quand je parle. J'apprends bien les affaires quand je parle. J'ai appris bien les affaires et puis j'ai commencé à faire des séminaires. Moi. J'ai appris bien plus d'affaires depuis ce temps-là que toutes les années que j'ai été seul. Quand je suis seul, je souffre. Je souffre moins aujourd'hui, mais j'ai souffert. Mais quand je parle, je souffre pas. J'ai du fun, j'apprends bien les affaires. C'est pour ça que je suis une tapette royale. Quand je vous parle, moi, je souffre pas comme là, je souffre pas, je suis pas fatigué. Si je m'assieds, mon cul là va être fatigué. Là. Mais quand je parle, je souffre pas. Ça descend, l'énergie, ça descend, ça nourrit l'énergie, je parle, puis je parle. Là, on m'a parlé tant qu'ils vont arrêter. Fait qu'on a avantage, nous autres, des hommes à parler, puis on a une maudite chance à Québec de parler. Comme il n'y a pas une population, puis il n'y a pas un groupe d'humains, c'est la Terre qui parle. Aujourd'hui. De la même façon. On est bien plus chanceux qu'on pense. On ne réalise même pas encore. On ne réalise même pas. Et moi, je le sais. C'est impossible à nous autres ensemble de perdre notre temps. On peut perdre du temps, mais on ne peut pas perdre notre temps. Nous autres, on calcule la valeur du contact entre l'esprit et nous autres en fonction de la valeur des mots. Mais vous reconnaîtrez un jour que vous pouvez avoir contact avec l'esprit dans une dimension de pensée ou de communication qui est tellement, tellement, tellement loin de vos concepts humains, de la logique humaine, que vous comprendrez rien de ce qu'ils vous disent. Et pourtant, vous allez comprendre quelque chose de ce qu'ils vous disent. C'est purement de l'énergie. La seule fonction de la communication entre l'esprit et l'homme, c'est d'éveiller l'esprit de l'homme. C'est la seule. Pas de donner la connaissance. On est dans la connaissance. La seule fonction de l'esprit... Pourquoi est-ce que l'esprit nous parle? Pourquoi est-ce qu'il y a communication mentale? Simplement pour éveiller notre esprit à l'intelligence. C'est la seule fonction. C'est pas pour donner la connaissance. On est dedans! Alors, ça nous entraîne à être à l'écoute. Pourquoi? Pour aiguiser notre sens d'observation mentale, autrement dit, pour développer notre corps mental, autrement dit, pour avoir un corps mental tellement sensible, tellement vibrant, qu'aussitôt que ça passe la vibration, le corps mental le reçoit, tu sais quelque chose. Aussitôt que ça passe. C'est clair et net. Mais il faut que ce soit vibrant, cette affaire-là, au lieu d'être alourdi par nos émotions, nos sentiments. Nos sentiments prennent 90% de notre intelligence. Nos sentiments prennent 90% de notre intelligence. Le reste, c'est notre intelligence rationnelle. C'est pour ça que je comprends pourquoi, dans une initiation quelconque, on se tait, nous autres. C'est essentiel. C'est essentiel. Tu ne rationalises pas avec l'intelligence. Quand tu te dis c'est nécessaire, puis tu te dis c'est nécessaire, puis tu es au mur, puis c'est encore nécessaire. Pis tu dis Christ, ben ouais, je suis au mur, là. N'inquiète pas, reste là, au mur. C'est nécessaire. T'as le crack. Il craque, il déchire l'intelligence complètement. Fait qu'éventuellement, t'en as plus de confusion, Charlie. T'es dedans tout le temps. T'es toujours dedans, puis t'es bien dedans. Ils disent que l'homme rationalisera toujours l'esprit tant qu'il ne sera pas dans les terres. Puis rationaliser l'esprit, c'est rationaliser les lois événementielles qui sont dirigées par l'esprit pour notre transformation. On rationalise les événements, on rationalise, puis rationalise, puis rationalise, puis rationalise. Ça, c'est ça, l'activité de notre sentiment. Ça va être loin. Un exemple, ta job, ta business, papa. C'est facile de rationaliser ton affaire. C'est facile de dire, mais oui, c'est pas dans l'ordre. Quel ordre? Le tien ou eux autres? Le tien. Ils s'en crissent comme dans la 40 de ton ordre. Ils veulent t'amener à un certain niveau d'évolution. Ta patente, c'est rien qu'un objet pour eux autres. C'est un mécanisme pour eux autres. Pour que t'en arrives, toi, à être dans leur ordre. Quand tu vas être dans leur ordre, tu vas être dans leur intelligence. Quand tu vas être dans leur intelligence, tu vas être dans ton intelligence. Quand tu vas être dans ton intelligence, tu souffriras plus. Tu vas être créatif. Fait que c'est si facile pour nous de dire, c'est pas dans l'ordre. Pour que tu saches qu'est-ce que c'est de l'ordre, faut que tu sois dans leur intelligence. Si c'est pas dans ton intelligence parfaitement, l'ordre que tu veux, l'ordre que tu désires, c'est un ordre qui fait partie de ta conscience à toi et de tes sentiments à toi. Ils font sauter. Je le mesure, moi, quand tu me parles, puis tu me dis, pain, toi, débrouillé. Mais vous me parlez d'une certaine façon. Puis j'aime vous parler, oups, ça bloque. Ça veut dire qu'ils veulent pas que je vous l'explique. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas que je vous l'explique? Pour que vous le viviez complètement. Comme l'autre fois qui me dit, je devrais-tu m'acheter, qu'est-ce que tu penses? Je devrais-tu m'acheter ce char-là? C'est un bon char. Je sais si elle devrait s'acheter ce char-là ou non. Puis je suis pas capable de dire oui ou non. Puis tu vois d'après tes vibrations. Elle achète le char. Elle se met dans la merde. Après ça, je l'ai revoué. Puis j'ai dit, demande donc pourquoi est-ce que tu as acheté ce char-là? Puis ça y répond, pour te tenter. J'ai dit, les affaires. Faut que tu apprennes à plus être tenté par l'intelligence. Quand tu seras plus tenté par l'intelligence, à ce moment-là, tu vas avoir compris quelque chose. Mais si j'avais dit, achète pas le char, elle n'aurait pas compris l'affaire de ne pas être tenté par l'intelligence. Elle a acheté le char pour aujourd'hui, mais elle comprend l'affaire d'être tenté. Faut pas que l'homme soit tenté par l'intelligence. Mais pour pas être tenté par l'intelligence, faut être suffisamment intelligent pour déjouer tout ce qu'on reçoit dans le mental quand on reçoit quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, écoutez jamais ce qui se passe dans votre tête, à moins de le vérifier, ce qui se passe dans votre tête. Fait que si ça te dit, achète-toi ce char-là. Check-les, pourquoi est-ce que tu devrais t'acheter ce char-là? Fait qu'on passe par des étapes. On passe par l'étape d'inconscience où ça se passe pas, ça fait là on pense. On passe par l'étape de la conscientisation où ça commence à parler en haut. Puis on passe par l'étape de la conscience où on commence à réaliser que c'est pas parce qu'ils nous disent telle chose qu'il faut qu'on le fasse. C'est ça le discernement. C'est pour ça que je dis toujours, l'esprit c'est silencieux, l'âme ça parle. L'esprit c'est silencieux, l'esprit. Silencieux l'esprit. Ça va bien parler. Mais c'est toujours silencieux proportionnel à ta conscience. Si t'es bien conscient, t'es bien un avec l'esprit, c'est silencieux, ça va besoin de parler. Tout ce que tu fais, c'est correct, ça marche. Tout ce que tu dis, c'est correct, ça marche. Mais aussitôt que t'es pas assez conscient de l'esprit, à ce moment-là, ça parle. Il y a de l'interférence. Là, tu penses que c'est de l'esprit, c'est pas de l'esprit, c'est de l'âme. C'est ça le discernement. Pour en arriver à faire la connexion. On a bien des affaires à apprendre. On commence à savoir qu'est-ce que c'est d'intelligent. On commence. Moi, s'il me dirait, quand est-ce que je vais arrêter de parler, puis il dirait 2 minutes, tu verras que j'arrêterai pas dans 2 minutes, j'arrêterai peut-être dans 10 minutes. Mais comme j'ai plus ces mécanismes-là, mais j'arrête quand j'arrête pas. Ça sera, ça viendra de l'ombre. Tu vas arrêter dans 10 minutes, dans 2 minutes. L'esprit, c'est silencieux. Puis c'est pas facile pour nous autres de vivre le silence de l'esprit, parce qu'on a toujours besoin de communication avec l'esprit pour ajuster nos pips. C'est là qu'on s'apprend. Puis il y a bien des aspects que je veux développer sur l'affaire que l'esprit, c'est silencieux. L'âme, ça part. Les contacts avec l'astral, ça va. Il t'en parle. L'esprit, c'est silencieux. Quand ça vient que c'est le temps de l'esprit, tous les contacts avec l'astral sont coupés, puis c'est lui qui run, puis il pousse. Puis tu sens que tu t'en vas dans une direction, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que tu es poussé dans une direction, puis tu essaies de communiquer, puis tu n'as pas de communication pendant que tu es poussé. Tu t'en vas. Ça, c'est sérieux, ce moment-là. Ça se comprend-tu, là? L'esprit, c'est silencieux. L'âme, l'astral, ça parle. Quand ça vous parlera, checkez ma langue. C'est là qu'on est tenté. Puis qu'on est tenté. Moi, j'ai acheté quelque chose en fin de semaine, là. J'allais payer 39$ comme j'aurais payé 250$. Je voulais pas l'affaire de 250$, je voulais l'affaire de 39$. Puis ça me poussait à prendre l'affaire de... Mais là, c'est le mouvement renversé parce que moi, je suis dans mon esprit. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu prendras pas l'affaire de 39$? Il dit, parce que t'as raison. Moi, c'est au contraire, ils sont obligés de me convaincre. Je suis pas tentable. Moi, je suis méfiant, complètement. Convainc-moi bien comme il faut que c'est mieux que l'affaire de 250$ que 30$. Là, moi, y aller. Up front. Toujours être up front. Prenez jamais de chance dans votre vie avec votre intelligence. Jamais de chance. Jamais de chance. Parce que vous ne connaissez pas les différences encore entre l'esprit et l'âme. Vous n'êtes pas capable de savoir quand ça vient de l'âme, votre patente, et quand ça vient de l'esprit. C'est dur de savoir la différence entre l'âme et l'esprit, hein? C'est abstrait, l'âme et l'esprit, hein? Hein? C'est ça. Une maudite différence entre l'âme et l'esprit, Charles. Il y a tellement de différence entre l'âme et l'esprit que je me demande si c'est possible à un homme qui n'est pas fusionné de connaître parfaitement la différence entre l'âme et l'esprit. Je me le demande. Parfaitement. Grosse différence entre les deux. Savez-vous qu'est-ce que c'est la différence entre l'âme et l'esprit? L'esprit, c'est toujours bon. Puis l'âme, c'est toujours pas bon. Mais c'est dans notre expérience, après qu'on le réalise. On n'est pas capable de le réaliser avant. Puis un jour, vous serez obligé de le réaliser avant au lieu d'après. L'esprit, c'est tout bon. Tout bon. Mais l'âme, ça nous casse tous les pieds. L'esprit, ça nous aide tout le temps. La différence entre les deux. C'est où bon, l'âme, l'esprit. L'âme, ça vaut pas de mal. Mais on ne réalise pas tout de suite. Quand tu es dans ton esprit, mais c'est toujours bon. Fait que si c'est toujours bon, tu n'as pas besoin de questionner. Tandis que quand tu n'es pas encore totalement dans ton esprit, tu es pogné entre l'esprit de temps en temps, puis l'âme de temps en temps, là, tu te fais pogner. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Des fois, c'est bon. Quand tu es dans ton esprit, quand tu es fusionné, c'est toujours bon. Fait que tu n'as pas besoin de questionner, tu n'as pas besoin de parler. L'âme, c'est toujours pas bon. Tout le temps. Ça sera tout le temps pas bon, l'âme. Éternellement pas bon, l'âme. Mais l'illusion que ça peut être bon est forte en maudit. Sais-tu comment c'est que... Pourquoi? Parce que ça passe par les sentiments. L'âme se sert des sentiments, Charlie. Fait qu'à faire passer un bon sentiment, t'es brûlé. Mauvais sentiment, ça serait ce qu'on souhaite. Mais un bon sentiment, il y a une maudite différence entre un bon sentiment et l'intelligence. Checkez bien vos clairs. Checkez bien vos lacs. Là, à ce moment-là, vous connaîtrez la différence entre l'âme et l'esprit.